entre les deux bosses de mon front. Joseph Rouletabille, 30 octobre, minuit. Fin du chapitre 18. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague, en avril 2010,